Et hop, un coup de fouet. Esclave du matos, pour ma part y'a rien de gratos. Faut de l'oseille même pour courir après les bastos. Esclave, une menotte quartier, une menotte Bulgarie. Elles aiment les joueurs de foot, est-ce que j'ai une tête à m'appeler Dugarry? J'ai une addiction pour les transactions et les actions qui sont cotées en bourse. Nouveau trader, 27 piges, futur millionnaire. Ça fait plaisir d'aller en banque sans crier les mains en l'air. Ici c'est Gorée, catégorie oseille. Sauf que mes frérots sont enchaînés à des crédits, crédits. J'essaye de me sauver, je me suis trop paumé. Mes obligations me ramènent toujours au pavé. On est tous dans la cale, c'est la caille, c'est racaille. Y'en a marre de vivre comme des chacals ou de vivre comme des hyènes. Faut avoir la première bourse pleine pour vider les deuxièmes. Esclave et enfin coup de fouet. Esclave, faut de l'oseille, je veux me mettre un coup de frais. On fait des trucs qu'on calcule pas, pas de mes à culpa. Tant que je suis beau gosse, c'est riba. Esclave et enfin coup de fouet. Esclave, faut de l'oseille, je veux me mettre un coup de frais. On fait des trucs qu'on calcule pas, pas de mes à culpa. Tant que je suis beau gosse, c'est riba. De gros Touareg, transport des nègres, mais pas comme jadis, esclave que du bif. Enchaîné avec une graine, comme à l'ancienne Renoir. Gros comme des noix de cola, tandis que des frères se noient dans des diola. Poto c'est nous ces idiots là. Pourtant crois pas que le roro on l'idolâtre. On veut juste troquer la belle vie contre des dollars. Puis taper la promenade en Gucci comme un boto là. Cette fois c'est pour le Tosma qui font des offres. Déjà mort dans une cale et vite on taille dans un coffre. Endetté jusqu'à la racine. 2007, les huissiers te mettent la tête dans une bassine. Mais c'est ça, esclave des belles plastiques sur ton beau cuir, mec de Paname. Frais depuis que le mot existe. La concurrence est dure, y'a pas un fouet qui nous résiste. Dépensier comme une femme de grossiste. Esclave et enfin coup de fouet. Esclave, faut de l'oseille, je veux me mettre un coup de frais. On fait des trucs, on calcule pas. Pas de mes à culpa. Tant que je suis beau gosse, c'est riba. Esclave et enfin coup de fouet. Esclave, faut de l'oseille, je veux me mettre un coup de frais. On fait des trucs, on calcule pas. Pas de mes à culpa. Tant que je suis beau gosse, c'est riba. Moto la serrée, des fous pas serrés. Je dîne le capital, les gars c'est trop dur d'alterner. On m'épie, je veux prendre la bête de gros yébi. M'appelle plus Trésor, Kinta Kinte c'est pas Toby Renoir. Le bling bling des chaînes, c'est le cling cling de l'oseille. On est tous dead, le cou accroché à nos têtes. Le fouet claque, rien à foutre on veut des sacs. Sortir de la banque avec de l'oseille plein les sacs. Notre problème c'est qu'on ressemble à des loots prêts. Alors un gros billet, un coup de fouet, un peu de prêt. Un coup de frais, tu traînes à Châtelet. Être chou, tu dis c'est pour vrai. Roule en coupé, au cas où tomberait le coup près. Entendu par les condés, car on crie la réussite. Au bout du fouet, les grosses griffes d'esclavagistes. Les sapes chères, les Bentley, les gestes thermiques. Histoire de se mettre frais avant que l'ovis termine. Esclave et enfin coup de fouet. Esclave, faut de l'oseille, je veux me mettre un coup de frais. On fait des trucs, on calcule pas. Pas de mes à culpa. Tant que je suis beau gosse, c'est riba. Esclave et enfin coup de fouet. Esclave, faut de l'oseille, je veux me mettre un coup de frais. On fait des trucs, on calcule pas. Pas de mes à culpa. Tant que je suis beau gosse, c'est riba. Esclave et enfin coup de fouet. Esclave, faut de l'oseille, je veux me mettre un coup de frais. On fait des trucs, on calcule pas. Pas de mes à culpa. Tant que je suis beau gosse, c'est riba. Esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave, esclave,